France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Primo Levi, écrire pour survivre. Comment revient-on d'un camp de la mort, à supposer qu'on soit capable d'en revenir vraiment? Comment vivre avec les souvenirs qu'on en a? Comment survivre à son passé et comment en témoigner? Pendant 40 ans, de son retour d'Auschwitz en 1945 jusqu'à sa mort en 1987, Primo Levi a vécu avec ses questionnements. Juif, résistant, cet Italien a passé 10 mois dans le plus meurtrier des camps nazis. Il en est revenu comme un homme reviendrait de l'enfer. Il n'a pas seulement échappé à la mort, il l'a traversée. « Mon existence a été marquée par 2 faits fondamentaux », dit-il. « Ma détention à Auschwitz et ce que j'ai écrit à propos de ma détention à Auschwitz ». Les réponses à ces questionnements, Primo Levi, qui était chimiste, les a cherchées dans l'écriture. D'abord pour se sauver lui-même, ensuite pour porter la voix de ceux qui sont morts dans les camps. Et par son livre, Si c'est un homme, il est devenu l'un des écrivains majeurs et l'un des grands témoins de la Shoah. Un travail de mémoire et un travail sur sa mémoire également, pour dompter son passé et pour éviter que ses souvenirs ne l'engloutissent. Notre invité aujourd'hui, Philippe Ménard, professeur de littérature comparée à l'Université Clermont-Auvergne, auteur d'une biographie de Primo Levi, Le passage d'un témoin, publié chez Fayard en 2011. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Romain Weber, rédaction chez Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 19 octobre 1947, au petit matin. Ce jour-là, un homme descend d'un train en gare de Turin. Il s'appelle Primo Levi. Il a 27 ans et il était arrêté 3 ans plus tôt. Cet homme-là porte les stigmates de la famine. À la fois maigre et bouffi, le visage creusé, le ventre gonflé et les bras d'un squelette. Sur le gauche, un tatouage témoigne de l'endroit d'où il revient. Auschwitz, numéro 174517. Et en ce 19 octobre 1945, à la manière d'un revenant, il est miraculeusement de retour chez lui. Turin, elle aussi, a changé en 3 ans. Elle a été en grande partie détruite au moment de la libération du Piémont. Et dans cette ville, qui n'est plus tout à fait la même donc, marche cet homme qui ne se ressemble plus. La maison familiale, celle qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir et devenir chimiste, celle aussi qu'il a vu disparaître, était 20 minutes à pied de la gare. Et peut-être Primo Levi, sur ce chemin qui le sépare encore de ses proches, pense-t-il à ce rêve qu'il a fait plusieurs fois là-bas, à Auschwitz. Un rêve où il retrouve ce qu'il aime. Un rêve qui pourrait être heureux, mais qui ne l'est pas. Parce que ses proches ne l'écoutent pas, non. Ce qu'il leur raconte ne les intéresse pas. Alors ils partent, le laissant seul avec ses souvenirs. Il n'est pas seul à avoir rêvé de cela. En réalité, c'est un cauchemar courant dans les camps. Et peut-être ces images et le désespoir qui leur est associé lui revient-il à l'esprit lorsqu'il toque à la porte de chez lui, au numéro 75 du Corso Re Umberto. C'est la concierge, Maria Bertone, qui le reconnaît. Elle est la première personne à le revoir. La tante de Primo Levi, Segret Uzzati, se souvient pour la télé en 1982. On attendait son retour depuis des mois. Et un matin, la concierge a hurlé dans l'escalier. Madame Levi, le docteur est là. On ne comprenait rien. C'était Primo qui était de retour. Il était dans un état terrible, boursouflé, hirsute, barbu. La nouvelle s'est répandue dans toute la ville et ses amis et tous les gens qui le connaissaient ont couru jusqu'à l'appartement. Mais l'accueil qui lui est réservé n'est pas celui qu'il a vécu dans son cauchemar là-bas, à Auschwitz. Non, ses amis, sa famille, sa mère particulièrement, ne sont pas indifférents à ce qu'il raconte. Au contraire, fou de joie de le retrouver, ils l'écoutent, ils compatissent. Mais ça ne suffit pas à faire de ce moment un moment heureux, parce que Primo Levi revient avec une question lancinante. Après avoir connu à Auschwitz, quelle valeur peut bien avoir son existence ? Engagé dans la résistance, il a été arrêté par des miliciens en décembre 1943, à l'âge de 24 ans. Il a d'abord été envoyé dans un camp italien, puis transféré par les nazis à Auschwitz en février 1944, avec 650 autres Italiens juifs. La quasi-totalité de ce convoi est assassiné dans les chambres à gaz. Sa survie, Lévy la doit surtout à la chance. Oui, la chance de ne pas avoir été tué dès son arrivée. La chance d'avoir été mis à l'abri dans un laboratoire parce que les nazis avaient besoin de chimistes. La chance, enfin, d'avoir été malade au moment de la libération par les Russes et d'avoir été oublié à l'infirmerie quand 20 000 autres détenus mouraient de froid dans ce qu'on appelle les marches de la mort. Le déplacement forcé des Juifs d'un camp à l'autre, à pied, en plein hiver. À Auschwitz, l'endroit où on ne pense pas. L'endroit, écrit-il plus tard, où il n'y a pas de pourquoi. Et il dure 10 mois pour Primo Levi. 10 mois où le combat consiste à tenter de rester un homme quand tout est fait pour transformer les détenus en une suite de numéros. Auschwitz est libéré le 27 janvier 1945 et Levi est de retour chez lui 9 mois plus tard. Il a quitté le camp, mais c'est comme si le camp, lui, ne l'avait pas quitté. De retour chez lui, ses souvenirs le submergent. Il le brûle même. Ce sont ses mots. Alors il parle, il raconte. Mais il ne fait pas que cela. Les souvenirs dont il veut se délester demandent d'autres choses. Et instinctivement, Primo Levi ressent la nécessité d'écrire. C'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Mais les souvenirs dont il veut se libérer, il les écrit. D'abord en vers. De façon obsédante, il prend des feuilles, des carnets, enfin tout ce qui lui passe sous la main, se jette sur les stylos, des crayons, et il écrit. Alors qu'à Nuremberg, au même moment, on juge les responsables nazis. Lévy, depuis Turin, apporte son témoignage, mais pas devant les juges. Il le fait seul, dans sa chambre, et en poème. Si c'est un homme, vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-le à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. C'est le 10 janvier 1946 que Primo Levi écrit ce poème, « Si c'est un homme ». À qui s'adresse-t-il ? Aux vivants, à ceux qui n'ont pas connu Auschwitz. La veille, il en a écrit un autre, qu'il a appelé 25 février 1944, le jour de son arrivée au camp. Ce sont aussi les derniers instants passés avec Wanda Maestro, une femme avec qui il a été arrêté et dont il était amoureux. Elle a été tuée à Auschwitz. Je voudrais dire l'intensité avec laquelle alors nous désirâmes, nous, engloutis déjà, pouvoir ensemble, une fois encore, marcher libre sous le soleil. Ce poème, il est pour cette femme qui a été englouti dans la nuit, comme il écrira plus tard. Le lendemain, il en écrit encore un autre, La Trêve. Celui-ci est pour lui. Il se termine avec ces mots. Maintenant, nous avons retrouvé notre foyer. Notre ventre est rassasié. Nous avons fini notre récit. C'est l'heure. Bientôt, nous entendrons de nouveau l'ordre étranger. Stabatch. Stabatch, en polonais, ça veut dire debout. C'est l'ordre que les gardes à Auschwitz donnent aux détenus, le matin, à un moment d'intense douleur. En 3 jours et 3 poèmes, Lévy met le doigt sur tout ce contre quoi il luttera pendant les 40 années à venir. L'oubli de la Shoah, la douleur de l'amour qu'il a perdu et les traumatismes qui menacent de le rattraper. Mais la vie, tout de même, doit reprendre. Et ce chimiste trouve un travail dans une usine de peinture. Mais quand il n'est pas à l'œuvre, il parle. Dans le train, à l'entrepôt, à la cantine. Il partage, il témoigne, et on l'écoute. À chaque instant de liberté, à midi, à la pause et jusque tard le soir, il prend un stylo, une feuille, et il écrit. De la prose, cette fois. Oui, quelque chose de plus ordonné. Il écrit pour reprendre le contrôle sur ses souvenirs, car il sent bien que sa survie dépend de cela. Alors, il accumule les notes, des fragments, des petits bouts. Et il parle à la télé italienne en 1974. J'ai commencé par le dernier chapitre, pour écrire ce qui était le plus présent dans ma mémoire. Mais je n'avais ni l'intention, ni l'impression d'écrire un livre. Je prenais simplement des notes, pour raconter autour de moi. Et j'ai réalisé qu'un livre était en train de naître. Quand j'ai vu que tous ces épisodes, mis bout à bout, chronologiquement, devenaient un récit. L'envie d'écrire est née à Auschwitz. Et même, précisément, au moment où Primo Levi est miraculeusement transféré dans un laboratoire du camp comme chimiste. Là, il écrit ce qu'il ne pourrait dire à personne. Un besoin. Une urgence qui se poursuit de façon anarchique à son retour et qui se renforce avec la rencontre d'une femme, Lucia Morpurgo, qui devient son épouse et qui s'installe avec lui dans l'appartement familial du 75 Corso Re Umberto. Alors il lui donne à lire ses textes, elle le pousse à émettre de l'ordre, elle le rend heureux, elle lui offre la perspective d'une vie qui reprend. Et ainsi, petit à petit, en 1946, en même temps qu'il goûte de nouveau au bonheur, Primo Levi écrit les 17 chapitres de « Si c'est un homme ». Ce livre, c'est le récit d'un scientifique. Oui, c'est presque un rapport sur une expérience chimique. Dans un espace clos, à Auschwitz, a lieu la rencontre d'éléments extrêmement puissants avec d'autres, parfaitement vulnérables. Les premiers ont droit de vie ou de mort sur les seconds, et quand ils ne les tuent pas, ils ont la capacité de les réduire à néant. De son arrivée au camp jusqu'à sa libération, par le récit des sélections pour les chambres à gaz, du travail harassant, des nuits à rêver qu'on mange quelque chose, de ce détenu dont le nom a été oublié qui ne ressemble plus qu'à une loque, ou de celui qui sait qu'il sera le dernier à être pendu et qui crie à ses co-détenus avant de mourir « Camarade, je suis le dernier ». Eh bien, Primo Levi rend compte de cet endroit qui transforme les êtres humains en fantômes. Mais ce compte-rendu, il le fait froidement, sans exprimer de colère, plutôt du désespoir. « Nous ne reviendrons pas », écrit-il. « Personne ne sortira d'ici qui pourrait porter au monde, avec le signe imprimé dans sa chair, la sinistre nouvelle de ce que l'homme, à Auschwitz, a pu faire d'un autre homme. » En écrivant ce livre, Primo Levi se place comme un témoin, mais presque dans un sens juridique. Et il en parle à des étudiants italiens en mai 86. En écrivant « Si c'est un homme », je n'avançais aucune thèse. Pas même la plus évidente. Celle de la bestialité des oppresseurs. Il me semblait juste de raconter le plus objectivement possible les choses que j'avais vues. Je m'étais totalement identifié au rôle du témoin, interrogé par le juge. La partie lésée doit exposer les offenses auxquelles elle a été exposée. Et je crois que la longévité assez exceptionnelle de mon livre tient en grande partie à ce ton apaisé, à cette absence de colère. À mon avis, la colère affaiblit la valeur du témoignage. Mais au lendemain de la guerre, est-on prêt à écouter les rescapés ? Non. Et le livre est refusé par plusieurs éditeurs. En particulier par les éditions Einaudi, une maison ancrée à gauche que comptent pourtant des résistants et des juifs qui répondent qu'on ne veut pas entendre parler des camps. Non, cet abîme, on veut l'oublier. Alors, c'est avec un petit éditeur qu'il trouve un accord en 1947, un certain Franco Antinicelli, un résistant, subjugué par le témoignage de Primo Levi. Comme titre, l'auteur avait imaginé « Sul fondo », autrement dit « au fond ». L'éditeur lui propose plutôt « Se questo in un uomo », si c'est un homme. Et ce sera « Si c'est un homme », imprimé à 2500 exemplaires seulement et partagé dans des cercles restreints. Le livre existe, certes, mais il n'est pas lu. Primo Levi a apporté son témoignage, mais il n'est pas encore un témoin. Alors la vie se poursuit. Il devient père d'une petite fille, puis d'un petit garçon. Lui, Levi le revenant. Attend que passent les années pour devenir Levi, le témoin.

le 11e chapitre du livre. Après avoir écœuré le fond d'une citerne, Lévi et lui se retrouvent à marcher tous les deux. Et l'Italien apprend à ce jeune Français quelques mots de sa langue natale. Lui revient alors un passage d'une œuvre que tous les petits Italiens apprennent à l'école, L'Enfer de Dante. Piccolo lit ce chapitre de Si c'est un homme pour France Culture en 1994. J'y suis, attention Piccolo, ouvre grand tes oreilles et ton esprit, j'ai besoin que tu comprennes. Considérez quelle est votre origine, vous n'avez pas été fait pour vivre comme brute, mais pour en suivre et science et vertu. Et Primant continue. Et c'est comme si, moi aussi, j'entendais ces paroles pour la première fois. Piccolo me prit de répéter. Il est bon, Piccolo, il s'est rendu compte qu'il est en train de me faire du bien. Peut-être que malgré la traduction plate, il a reçu le message. Il a senti que ces paroles le concernent, qu'elles concernent tous les hommes qui souffrent, et nous en particulier, qui osons nous arrêter à ces choses-là, avec les bâtons de la corvée de soupe, sur les épaules. Toute l'ambition de Primo Levi est dans ce passage. Il est un homme qui a traversé l'enfer et qui depuis a pour mission de raconter ce qui s'y trouve. Écrire, c'est une façon de retourner dans le camp, d'en relever chaque détail et d'écouter ce que les morts ont à transmettre. Je parle pour vous, dit Levi, pour les voix qu'on n'entend pas. Si c'est un homme, est écrit autant pour les vivants que pour les morts. Et avec cette nouvelle édition, Lévi acquiert le rôle de témoin, enfin. Parce que le livre maintenant est lu et l'auteur est invité à parler. Dans les journaux, à la radio, à la télé bien sûr. Mais ce qui l'intéresse, c'est avant tout les écoles. Alors il rencontre les jeunes Italiens, d'abord de Turin, puis ailleurs dans le Piémont, puis ailleurs en Italie. Et c'est une parole nouvelle pour eux. Sa voix, mesurée, sa simplicité, sa timidité, tout cela les marque. Et puis, avec la publication de son livre au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, c'est donc en dehors de l'Italie qu'il est maintenant invité à raconter son histoire. Bien, mais pour l'Allemagne, que faire? Faut-il faire lire son livre au peuple qui a provoqué la Shoah? Cette traduction lui cause du souci, mais il le faut, évidemment. Oh, c'est peut-être prétentieux, dit-il au traducteur allemand. Mais voilà, aujourd'hui, par votre intermédiaire, moi, matricule 174-517, je peux parler aux Allemands, leur rappeler ce qu'ils ont commis, et je peux leur dire « Je suis vivant, et j'aimerais vous comprendre pour vous juger. » Loin de la froideur de son livre, il y a cette fois chez Primo Levi le colère qu'il ne peut pas réprimer. Nous sommes maintenant dans les années 60, et les traumatismes qu'il exprimait dans ses premiers poèmes ne se dissipent pas. Elle est toujours là, l'ombre de Wanda Maestro, la femme qu'il aimait. Il est toujours là, le souvenir de cet ordre, Stabatsch, et de la voix qui le lançait le matin en allumant les lumières. Oui, Auschwitz est là, caché au fond de lui. Et c'est par des odeurs, des sons, des détails que les souvenirs refont surface et qui le replongent dans le camp. Ce sont des rêves aussi, où il revoit le panneau à l'entrée. Arbeit macht frei, le travail rend libre, ou qu'il ose écrire. La lueur de la libération est déjà loin, et alors que Primo Levi devient un témoin, s'installe chez lui un état dépressif. Ses proches remarquent qu'il s'assombrit. C'est une autre rescapée de la Shoah, Micheline Morel, qui met les mots sur ce mal quand elle écrit. Chaque rescapé a ramené son camp avec lui. Il essaie de l'effacer, il essaie de l'étouffer dans les barbelés et sous les copeaux des paillasses, mais à cause d'une date ou d'une photographie, voilà que le camp tout entier se réinstalle autour de lui. Comment fait-il dans ces années 60, Primo Levi, pour maîtriser ses souvenirs? L'écriture, bien sûr. Telle a été ma façon de cohabiter avec le souvenir, dit-il. Je l'ai exorcisé en écrivant. Mais en écrivant d'autres choses, des nouvelles, par exemple, y compris des nouvelles de science-fiction. Oui, Primo Levi devient autre chose qu'un témoin. Il devient un écrivain reconnu. Mais à Auschwitz, toujours, imprègne ce qu'il écrit. D'autant que, dans les années 60, l'actualité le ramène à son passé. On juge des nazis, comme Eichmann à Jérusalem en 1961, et on en cherche d'autres. Et puis la torture en Algérie, au Vietnam, la guerre des six jours, la résurgence de la violence le perturbe profondément. « À Auschwitz, c'est hors de nous », écrit-il. « Et cependant, autour de nous, dans l'air. » La peste s'est éteinte, mais l'infection court. Et c'est pire encore dans les années 70, où il voit, dans sa propre ville, ressurgir des néo-nazis et des nostalgiques de Mussolini. Et quand apparaissent en Europe, en particulièrement en France, les thèses négationnistes, à quoi sert son témoignage, se demande-t-il, s'il ne peut pas empêcher l'histoire de se répéter? Il en parle à la télé italienne. Ça peut arriver partout. Je le dis parce que je le sais. Je ne crois pas, je le sais. Je sais que c'est possible partout, que ça peut exister. Là où il y a fascisme, pas forcément le même qu'avant. Un fascisme avec un nouveau discours, comme celui qu'adorent les nouveaux fascistes italiens, qui dit que nous ne sommes pas tous égaux, que nous n'avons pas tous les mêmes droits, que certains ont des droits que d'autres non. Là où ce discours existe, à la fin, il y a le camp de concentration. Ça, je le sais avec certitude. Avec le fantôme du fascisme qui revient, le témoignage de Primo Levi devient celui d'un lanceur d'alerte. Beaucoup d'entre nous, écrit-il dans Si c'est un homme, sont à la merci de cette idée, consciente ou inconsciente, que l'étranger, c'est l'ennemi. Le plus souvent, cette conviction sommeille dans les esprits comme une infection latente. Elle ne se manifeste que par des actes isolés, sans lien entre eux. Elles ne font pas un système. Mais lorsque cela se produit, alors, au bout de la chaîne, il y a la guerre. 30 ans après la fin du conflit, Primo Levi se sent impuissant. Il multiplie les interventions dans les écoles, mais il note comme une lassitude chez les jeunes, voire, parfois, un doute à l'égard de la réalité des camps. Est-ce que c'est vrai ce que vous racontez, lui demande-t-on parfois? Oh, il arrive que ce soit simplement un étonnement devant une horreur difficile à concevoir, bien sûr, et on peut le comprendre. Mais parfois, la question exprime un doute, forcément inquiétant. Et cette altération de la mémoire l'affecte profondément. Il la ressent jusque dans son corps, parce que lui aussi se met à penser qu'il perd la mémoire. Il n'a pas encore 60 ans, mais il est persuadé qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer et que ses souvenirs lui échappent, qu'ils s'évanouissent, que même lui, le témoin, n'est plus capable de raconter ce qu'il a vécu. Angoisse. D'autant que sa vie personnelle lui cause des soucis. Toujours aussi sédentaire, ancré au 75 Corso Re Umberto. Il voit sa mère vieillir, sa femme se détacher doucement de lui et ses enfants qui, comme pour se protéger, ont du mal à partager ses souvenirs. Et surtout, il y a cette question qui l'accable. Pourquoi, moi, ai-je survécu? Il écrit un de vos poèmes en février 1984, 40 ans précisément après sa déportation. Ce poème s'appelle « Le survivant ». Depuis lors, à une heure incertaine, cette souffrance lui revient. Et si pour l'écouter, il ne trouve personne, dans la poitrine, le cœur lui brûle. Il revoit les visages de ses compagnons, livides au point du jour. Gris de ciment, voilé par le brouillard, couleur de mort dans les sommeils inquiets. La nuit, il remue des mâchoires sous la lourde injonction des songes et mâche un ave inexistant. Arrière, hors d'ici, peuple de l'ombre, allez-vous-en. Je n'ai supplanté personne, je n'ai usurpé le pain de personne, nul n'est mort à ma place, personne. Retournez à votre brouillard, ce n'est pas ma faute si je vis et respire, si je mange et je bois, je dors et suis vêtu. « Retournez à votre brouillard », dit-il aux morts d'Auschwitz, 40 ans plus tard. Nous sommes alors dans les années 80. « Si c'est un homme » a été réédité 30 fois, tiré à presque 1 500 000 exemplaires. Pourtant, Primo Levi a l'impression de ne plus être écouté, d'être seul avec ses fantômes. Comme si le vieux cauchemar d'Auschwitz, celui où il rentrait, où on ne l'écoutait pas, se réalisait. La force de son témoignage s'émousse. Il ne va plus dans les écoles. « Mon crédit de souvenir, dit-il, est épuisé. » En réalité, et répétons-le, Primo Levi se sent coupable d'avoir survécu. L'impression étouffante d'avoir volé sa vie et de raconter Auschwitz à la place des morts. « Nous, les survivants, dit-il, ne sommes pas les vrais témoins. Nous sommes ceux qui, grâce à la prévarication, l'habileté ou la chance, n'ont pas touché le fond. » Quand il écrit cela, il est dans un état plus grave que jamais. Écrire jusqu'alors lui permettait de rester à la surface. Mais ses textes ne sont plus que l'expression de son mal-être, du conflit intérieur qui l'oppose, lui, rescapé, à ce qu'il appelle les naufragés. À quoi cela tient-il qu'il se trouve dans la catégorie des rescapés et pas des naufragés? à la chance, dit-il, et rien qu'à ça. Les naufragés et les rescapés est d'ailleurs le titre de son dernier livre, publié en 1986. Il échange alors avec un autre écrivain italien, Fernandino Camon, qui raconte pour l'émission Un siècle d'écrivains en 1997. L'œuvre de Primo Levi est un voyage à travers l'enfer qui le conduit à découvrir que Dieu n'existe pas. Et Levi, qui était un homme petit, mince, toujours souriant, délicat, m'a dit un jour avec ce sourire et cette douceur, mais avec tristesse, il y a eu Auschwitz, donc Dieu ne peut pas exister. C'est plus tard qu'il a ajouté les deux dernières lignes. Je ne trouve pas de solution à ce dilemme. Je la cherche, mais je ne la trouve pas. J'aimerais en parler avec lui, mais il n'est plus là. Primo Levi a maintenant 67 ans et il est pressenti pour le prix Nobel de littérature. Mais le désespoir s'est entièrement emparé de lui. « Je suis devenu un rescapé professionnel, dit-il. » Et tout ce que j'ai écrit ne sert à rien. Il ne sort presque plus de chez lui. Il voit son corps vieillir. Il est toujours persuadé qu'il perd la mémoire. Sa mère est malade et quand il la regarde, il ne peut s'empêcher les images d'Auschwitz de remonter à la surface. Son ami Elie Wiesel, un autre grand écrivain de la Shoah, se souvient sur France Inter en 2011. Ce jour-là, il m'appelle. Et j'ai senti dans sa voix quelque chose. Et comme j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à ça, au suicide, j'étais convaincu qu'il allait très mal. Et je lui avais dit, écoute, va à l'aéroport. Tu trouveras un billet. Et nous irons quelque part seuls, dans un endroit où on ne nous connaît pas, seuls. On ira ensemble, quelque part. Et il m'a dit, après une longue réflexion, c'est trop tard. Oh, vous le savez bien, quand dans un roman, vous trouvez cette expression « il est trop tard », ça veut dire que c'est trop tard. Le samedi 11 avril 1987, autour de 10h du matin, la concierge du 75 Corso Re Umberto fait sa distribution de courrier. Elle passe à chaque étage, comme d'habitude, puis redescend et balaye devant la porte de l'immeuble, comme d'habitude. Mais là, soudain, elle entend un bruit sourd qui vient de l'intérieur. Et au bas de la cage d'escalier, elle trouve le corps de l'écrivain Levi, comme elle l'appelle. Il a passé la balustrade du quatrième étage et s'est laissé tomber. Primo Levi s'est suicidé. Comme Cesare Pavese et Hemingway, titre un article italien du lendemain. Oui, mais pourquoi ? Il est toujours difficile d'expliquer un suicide, parce que les raisons sont d'abord intimes. Mais une partie de l'explication concernant Primo Levi tient peut-être dans ces quelques vers écrits à son retour à Turin, 40 ans plus tôt. Maintenant, nous avons retrouvé notre foyer, notre ventre est rassasié. Nous avons fini notre récit. C'est l'heure. Bientôt, nous entendrons de nouveau l'ordre étranger, Stavatch. L'a-t-il entendu encore, ce Stavatch ? Une toute dernière fois, après avoir dit ce qu'il avait à dire ? C'est arrivé, et cela peut arriver de nouveau, nous prévient Primo Levi. La violence est une graine qui ne meurt pas. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Primo Levi, nous en parlons avec notre invité Philippe Ménard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature comparée à l'Université Clermont-Auvergne, directeur de la Fondation Auschwitz Bruxelles de 2010 à 2015, et vous êtes l'auteur d'une biographie de Primo Levi intitulée « Le passage d'un témoin », publiée chez Fayard en 2011, et on peut retrouver vos travaux dans la revue Mémoire que vous dirigez. Alors on essaie de tenter de répondre à la question suivante dans le récit, mais l'âme humaine est complexe, hein, surtout lorsqu'elle est confrontée à l'indicible. Pour qui écrit Primo Levi, pour les vivants, pour les morts ou pour lui-même ? Ou pour tous ? Bien, je pense que Primo Levi était quelqu'un qui se mettait pas en avant et en fait il a écrit, il a témoigné d'abord, on peut dire, il a écrit pour témoigner à la fois pour les disparus parce que il a été, comme vous le disiez très bien, hanté par la crainte de l'oubli d'Auschwitz, mais aussi il a témoigné pour les autres escapés qui lui déléguaient les moyens de parler en leur nom, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, que le témoin, que des rescapés de la Shoah aillent dans les écoles, c'est quelque chose qu'on a qui est inscrit un petit peu dans notre culture, mais à l'époque, c'était la question du témoin et du témoin a fortiori de la Shoah était quand même assez rare et peu connu. Donc il parlait pour les morts et pour les vivants. D'ailleurs, vous l'avez très bien dit. Il s'adressait aussi à, et il en avait vraiment, c'est quelque chose auquel il tenait, c'est-à-dire qu'il s'adressait vraiment aux générations les plus jeunes, avec cette idée effectivement d'empêcher l'oubli d'Auschwitz et les violences qui ont généré à Auschwitz et de pouvoir informer ces jeunes générations. Donc c'est quand même une vocation qu'il a assumé, et peut-être l'a-t-il assumé jusqu'à l'épuisement. Hein. Oui, d'une manière presque sacrificielle, en fait. Pardon ? Je veux dire, d'une manière quasi sacrificielle. Parce qu'il aurait été sa vie aurait été plus douce s'il n'était pas resté dans cette logique, mais elle était tellement importante, cette logique, contre l'ensablement des mémoires. Ben, je pense qu'effectivement, oui, effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire que c'était un témoin qui écrivait, dont une part de la production écrite était consacrée à écrire, à réécrire, c'est-à-dire à s'interroger sur Auschwitz et sur la question de l'âme humaine confrontée à cette violence. C'était un écrivain public dont la vocation s'est véritablement déclarée en 1950, à partir de 55, au moment de cette grande exposition où il a écrit une tribune où effectivement il déplorait l'oubli d'Auschwitz. Il a été dans les écoles. C'était aussi un intellectuel qui prenait parti, mais qui, en prenant parti par rapport aux violences politiques, notamment, que ce soit interne en Italie ou externe, qui avait toujours cette position de rescapé et qui prenait position au regard de son expérience. Hein. Donc, voilà. Oui, parce qu'il y a le danger de l'oubli contre lequel il se battait, mais il y a la violence, je pense qu'on peut employer ce mot, du négationnisme. Quand il a entendu ces thèses-là, on imagine la douleur que ça a dû lui provoquer. Il en a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit s'il en a parlé? Oui, alors effectivement, il a réagi très très virulemment. Mais ce qu'il y a, c'est que il y avait à la fin des années 70, les thèses, notamment les thèses de Faurisson, qui ont été surmédiatisées. Donc il a réagi très fortement. Mais dans les années 70, évidemment, il y avait aussi le retour avec les néofascistes des attentats. Faut quand même pas oublier que à la gare de Bologne en 1980, il y a eu 85 morts. Et donc quand vous avez quelqu'un qui a déjà passé une trentaine d'années à œuvrer pour contre le retour de cette violence et qui est confronté, comme tous les citoyens italiens et plus même à ce retour de violence fasciste qui vise directement la population civile. Bon, on voit à quel point il est à la fois mobilisé, mais aussi toutes ses certitudes sont ébranlées. Est-il retourné à Auschwitz? Oui, il est retourné deux fois à Auschwitz. Mais qu'est-ce qu'il a ressenti? Qu'est-ce qu'il en dit? Alors, il est retourné une première fois, c'était encore sous le régime communiste, donc en 1965. Donc là, c'était cadré, c'était très protocolaire. Il est retourné après... lors d'un voyage scolaire. Alors... Effectivement, il était toujours accompagné, hein, il était toujours très accompagné. Je pense que c'est plus il vieillissait, plus il se rendait compte aussi. Et bon, c'était lié aussi à sa à une vision pessimiste, hein, qui est dépressive, de son éloignement de son expérience, et où le lieu aussi lui montrait à quel point il était éloigné. Et donc il y avait une espèce de dilemme, c'est-à-dire qu'il retrouvait le lieu, mais en même temps le lieu était complètement différent, et lui-même se sentait éloigné de son expérience. Alors Philippe Bénard, quand on se penche sur Primo Levi, on se penche sur l'histoire, mais aussi sur la philosophie, puisqu'à la fin de sa vie, dans ses dernières œuvres, il réfléchit à ce qu'il appelle dans Les Camps de la Mort la zone grise. Alors c'est une réflexion sur le bien et le mal dans ce genre de situation, c'est un concept assez complexe, qu'est-ce qu'il entend par là ? Alors voilà, la zone grise s'inscrit en fait, on peut dire, elle prend ce nom à partir de la fin des années 70, mais elle correspond tout à fait à cette espèce d'injonction de penser la violence qu'il a dès son retour, et qui est pour lui une interrogation de l'âme humaine, qui se porte aussi sur la question des Allemands, de l'implication des Allemands, et doit-on les comprendre, jusqu'à quel point. La zone grise vient interroger quelque chose qui... ni le bien ni le mal, ni les bourreaux ni les victimes, mais plutôt tout ce qui est la contrainte, la collaboration sous contrainte des victimes. Comment est-ce que le système nazi, et d'une certaine manière tout système dictatorial, mais système nazi était à ce niveau-là exemplaire, arrive à contraindre des victimes à collaborer à leur propre au propre système de destruction mis en place par les criminels. Et c'est ça qui vient l'interroger. En ce sens-là, il vient interroger l'âme humaine dans ces faits historiques, mais il vient de façon extrêmement critique, et c'est un grand tournant dans sa pensée, un tournant qui aussi, on peut dire, l'épuise. Hein. Il vient aussi interroger la façon dont la transmission a été faite, y compris par lui. Et c'est pour ça qu'au début de son texte, il va dire, mais est-ce qu'on n'a pas trop simplifié ? Est-ce que finalement, on n'a pas joué le jeu de ceux qui attendent qu'on leur parle du camp comme un match de football, où il y a des vainqueurs et des vaincus, comme un ring de boxe, où il y a un chaos. Oui. Alors que dans le camp, il n'y avait pas ça. Il y avait effectivement les criminels, les SS et leurs collaborateurs, il y avait toute une hiérarchie avec les capots, mais il y avait aussi une collaboration sous contrainte auquel on ne pouvait pas échapper, si ce n'est en étant assassiné. Et c'est cette collaboration qui aussi le hante, puisque, bon, comme vous y faisiez référence, il y a la question de, voilà, comment ai-je survécu ? Est-ce que j'ai survécu en prenant la place d'un autre ? Est-ce que j'ai survécu en ayant plus que de la chance, mais en forçant aussi le destin ? Et donc aussi, c'est quelque chose qui renvoie à la propre situation du survivant. France Inter. Affaires sensibles. Aujourd'hui, Primo Levi, notre invité Philippe Ménard, qui est l'auteur d'une biographie de Primo Levi intitulée Le passage d'un témoin, publié chez Fayard en 2011. Nous allons écouter ensemble, si vous le voulez bien, une archive. Nous allons écouter Jean Samuel. Donc Jean Samuel, on l'a découvert dans le récit, c'est un homme qui était détenu à Auschwitz avec Primo Levi, que Levi appelait Piccolo. Et il parle sur France Culture en 1994. Oh, il m'avait parlé d'autre chose, peut-être qui est plus étonnante, c'est que le jour où, en conscience, se promenait un jour, je me rappelle très très bien, mais lui s'en rappelle plus non plus de cette histoire, c'était au mois d'août, juillet août 44, il m'a dit qu'il avait toujours envisagé d'écrire un roman sur l'atome de carbone. Je rigole quelquefois quand je dis qu'il est quand on dit qu'il est devenu un grand bonhomme dans la littérature parce qu'il a été à Auschwitz. Et il avait, je crois qu'il avait ça dans le sang, qu'il voulait écrire. Philippe Ménard, c'est quoi déjà ce projet sur la vie d'un atome de carbone ? Oui, alors en fait, il l'accomplit vraiment en 1975, enfin dans les années 70, et c'est publié en 1975. C'est un ensemble de petites nouvelles et qui caractérise bien ce rapport entre à la fois témoignage et littérature, où Primo Levi reprend des éléments de sa vie, donc y compris de sa déportation, de sa confrontation au fascisme, mais à travers des éléments chimiques qui appartiennent à un tableau très célèbre pour les chimistes, ça s'appelle le tableau de Mendeleïev. Et donc il compose, donc c'est une composition extrêmement littéraire, mais qui passe par le prisme de la chimie, donc de son métier. Il compose ses nouvelles en prenant à chaque fois un atome et en filant cet atome un peu comme une métaphore ou comme en tout cas comme une figure de style qui lui permette après d'embrayer sur son récit. Hein. Donc c'est un procédé très subtil littéraire qui lui permet de revisiter son expérience. Est-ce que ça veut dire que au-delà de si c'est un homme de son témoignage sur Auschwitz, Primo Levi est un grand écrivain? Oui, c'est un grand écrivain, alors qui a souffert d'une certaine manière de pas bien qu'il ait eu un certain nombre de prix, prix extrêmement prestigieux, qui a souffert de pas être reconnu pleinement dans sa dimension littéraire et d'écrivain. D'une certaine manière, et c'est ça qui a fait toute la complexité du personnage. Primo Levi, c'est une vie de témoin, à la fois de témoin écrivain et de témoin public, mais c'est aussi une vie de chimiste et c'est aussi une vie d'écrivain. On pourrait ajouter aussi une vie d'intellectuel qui intervient dans l'espace public sur des questions extrêmement contemporaines. Mais c'est véritablement un écrivain qui avait pour souci de passer par la littérature, par la fiction, donc de sortir, on peut dire, du cadre éthique du témoignage pour s'exprimer à travers des constructions, évidemment des constructions dans lesquelles on retrouve son expérience concentrationnaire, on retrouve son interrogation de l'âme humaine, on retrouve aussi quelque chose qui renvoie à la question de la violence, et évidemment à tout ce qui l'a traversé et à tout ce que la société dans laquelle il était a traversé, depuis le fascisme jusqu'au terrorisme des années 80. Mais c'est véritablement un écrivain qui avait un sens de la littérature, c'est un sens de l'écriture littéraire à travers la fiction. Primo Levi s'est suicidé, on le rappelle, 11 avril 1987. Est-ce que ce suicide marque, d'une certaine façon, l'échec de son œuvre, non pas l'échec de ce qu'il a écrit, puisque ça a été beaucoup lu et encore lu, et tant mieux, mais dans le sens, la littérature n'aurait pas suffi à le sauver. Ben, je pense que c'est une... on peut dire c'est un mauvais départ de compréhension de la littérature si on pense que la littérature est là pour sauver. Justement, la littérature, si la littérature vient par les biais de la fiction à retranscrire le monde, eh bien, on n'aboutit pas nécessairement à une vision optimiste du monde. Et quand, a fortiori, il s'agit d'un rescapé qui voit autour de lui la société, sinon s'effondrer, du moins se morceler et revenir à du fascisme, on peut dire que l'écho littéraire et l'écho qu'il y a à travers sa plume n'est pas nécessairement un écho qui va le porter, mais au contraire qui va l'enfoncer vers un abîme. Dernière chose, alors il nous reste une minute, donc rapidement, information étonnante qu'on peut lire dans votre biographie, la traduction de « Si c'est un homme » en Israël ne date que de 2008. Comment expliquer cela ? Oui, alors bon, comment l'expliquer, c'est surtout en quelques secondes. Non, mais c'est-à-dire que c'est qu'effectivement, mais on peut dire en France, la traduction si c'est un homme date de 87, c'est-à-dire qu'elle est postérieure à sa mort. Donc on peut dire qu'effectivement, il y a quelque chose du sens de Primo Levi qui, même à travers ses traductions et même à travers ses œuvres les plus canoniques, a échappé longtemps. Oui. À des sociétés qui étaient directement concernées par ça. Bon, on va dire mieux vaut tard que jamais pour le coup. Merci infiniment, Philippe Lénard. Merci à vous. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Primo Levi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.